Du coup, c'est le moment du tuto Sonic, hein, tout chamboulé que nous sommes. Et surtout, Jérémy n'est pas là. Il est déjà parti à Vision du Réel pour pouvoir attraper Clara demain à 16h. Merci beaucoup pour cette pub. C'est bien souligné. Voilà. Il y a des milliers de gens demain à Nyon. Voilà, mais tout influencé. Voilà. C'est la fin d'Archipel. Tout le monde se précipite à Vision. Et du coup, il nous a envoyé son dernier tuto Sonic et que nous allons écouter ici sur le cassette, le lecteur de cassette. Donc il nous l'a envoyé par la poste parce que c'est en cassette. Cassette analogique. Il est là quand même un peu physiquement. Exact. Il y a un peu de matérialité de Jérémy. On va à sa voir place. Ça. Alors, ça va être en double tuto sonique, j'imagine, parce qu'on a un émetteur FM ici dans le studio qu'on diffuse dans tout le quartier de Plainpalais et ces interférences, parfois, ils rentrent aussi dans les machines électroniques. Et je crois que c'est le cas de cette magnétophone. Donc, Tuto Sonic. Alors aujourd'hui pour cette dernière émission, comme je suis pas là, j'aurais filé un enregistrement. Je me suis dit qu'il diffuserait effectivement cet enregistrement comme les trois derniers jours. Et je me suis dit, ah ouais, bon, enregistrement, etc. Ce serait bien de travailler sur la perte de données, le matériel corrompu, etc. Et c'est aussi un peu référence à Patrice Caillé et Jean Pourret qui font ça avec leur vinyle. Je me suis dit, ah oui, je pourrais essayer par exemple de détruire un peu en live un support d'enregistrement. Alors comme je pouvais pas graver de vinyle et que c'était un peu compliqué, je me suis dit que j'allais faire ça avec une cassette. Donc en fait, vous êtes en train d'écouter une cassette. Et donc ce que je fais, c'est que au fur et à mesure de la lecture de cette cassette, je commençais à la détruire, à prendre du papier de verre, à frotter, etc. pour pouvoir la corrompre, apporter des... plein de problèmes techniques, de bruit dessus, etc. Et surtout de silence qui petit à petit va prendre de plus en plus de place et terminera cet enregistrement dans une sorte de silence complet en fait, où le son de l'archive n'existe même plus. Alors pour commencer cet enregistrement, je me suis dit que j'allais lire un texte c'est un texte qui parle de ruines, je l'ai un peu choisi comme ça parce qu'il y en a plusieurs. Et un peu par excès de romantisme, je me suis dit que ça allait être un texte de Chateaubriand. Alors je vais lire ce texte de Chateaubriand en boucle et petit à petit je vais détruire cette bande. Alors je vous dis à bientôt, à l'année prochaine. Et c'était super de travailler à Archi Radio et je vous souhaite à tous une très bonne fin de festival. Je m'arrêtais pour regarder cet homme germé à l'ombre des épis parmi lesquels il devait être moissonné et qui retournait la terre de sa tombe avec le soc de la charrue mêlant les sueurs brûlantes et les pluies glaciées de l'automne. Le sillon qu'il creusait était le monument destiné à lui survivre. Que faisait à cela mon élégance démone ? Par sa magie, elle me transportait au bord du Nil, me montrant la pyramide égyptienne noyée dans le sable, comme un jour le sillon armoricain caché sous la bruyère. Je m'applaudissais d'avoir placé les fables de ma félicité hors du cercle des réalités humaines. Je m'arrêtais pour regarder cet homme germer à l'ombre des épis parmi lesquels il devait être moissonné. Et qui retournait la terre de sa tombe avec le soc de la charrue, mêlant ses sueurs brûlantes et pluies glacées de l'automne. Le sillon qu'il creusait était le monument destiné à lui survivre. Que faisait à cela mon élégance démone ? Par ta magie, elle me transportait au bord du Nil, me montrant la pyramide égyptienne noyée dans le sable, comme un jour le sillon armoricain caché sous la bruyère. Je m'applaudissais d'avoir placé les fables de ma félicité hors du cercle des réalités humaines. Je m'arrêtais pour regarder cet homme germer à l'ombre des épis parmi lesquels il devait être moissonné, et qui, retournant la terre de sa tombe avec le soc de la charrue, mêlait ses sueurs brûlantes aux pluies glaciées de l'automne. Le sillon qu'il creusait était le monument destiné à lui survivre. Que faisait à cela mon élégance démone ? Par sa magie, elle me transportait au bord du Nil, me montrant la pyramide égyptienne noyée dans le sable, comme un jour le sillon armoricain caché sous la bruyère.